Satan a le domaine du ciel qu'il contrôle. Il a son contrôle là-bas. Vous lisez l'Apocalypse, on dit que quand l'Église va monter, il va maintenant être expulsé des régions pour les régions sur la terre. On dit maintenant que ceux qui vont être sur la terre, quand vont monter maintenant, les régions de la terre maintenant vont être occupées et infestées par eux directement. Ils pourront se manifester ici. Voyez, on dit qu'il y a une belle raison de chercher, ils en ont combattu. Et le dragon aussi combattu. Il ne peut plus trouver le place pour eux là-bas dans le ciel. Et il ne peut plus précipiter où? Est-ce qu'ils sont sur la terre maintenant? Donc ce n'est pas encore accompli. Voyez, donc on monte, il veut pouvoir descendre pour prendre la place. Il ne peut pas se manifester parce qu'il ne se trouve pas sur la terre. Et un chrétien commence à dire on ne revient pas pour le ciel, on meurt, on reste à la tombe. Donc son corps mourit avec l'âme. Le corps n'est pas de l'âme n'est pas de la même nature que la terre, parce que l'âme n'a pas été faite par la terre. C'est pour ça que le Seigneur est mort, si le monde ne peut pas être là, il faut que ce soit la gérée plus de lui. Monsieur, frère. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, dans le ciel, c'est divisé en plusieurs compartiments. Les cieux contrôlent Satan, les niveaux des cieux contrôlent Satan. C'est en plusieurs compartiments. C'est écrit dans votre Bible. La Bible déclare là, dans les cieux, même si Satan n'a pas, il y a des actes, des démons qui sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Enchaînés pas avec les choses que vous avez sur la terre. Enchaînés éternellement dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Donc maintenant, dans ces régions là-bas, contrôle des pays. Dans Daniel, vous voyez comment l'ange il demande de combattre le prince de là-bas. Vous comprenez cela? Parce que là-bas, ça fait une complète catégorie. Il y a des anges qui sont assignés à des pays, à des gouvernements, à des peuples, à des chefs d'État. Tout à l'heure, par exemple, il parlait de l'autre niveau du pays. Quand vous voyez de l'autre côté, vous prophétisez à ce qui a été révélé. Vous restez sur les sept, tout simplement, vous voyez sur l'aspect physique des choses. Quand il y a un renversement dans le ciel, la manifestation sera sur la terre. Sur la terre, on attend seulement que ça s'accomplit. Vous allez dans les cieux, vous dites, non, c'est peut-être qu'il sera au pouvoir. Priez bien votre pays. Dans quel pays il y a le feu. Dans cette ville, il y a l'élimination qui est préparée. Donc, priez, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire. Priez pour une nuit, sous terre, il n'y a pas de mort de noyade. Alors, ça sera terrible. Ça vient être donné dans l'eau. Ça va venir dans la ville. Pas dans la ville où je me trouve. Dans la ville où je me trouve. Ça veut dire que les gens s'élèvent, elles se gardent la terre. Et que pour que personne ne soit enchaîné dans l'eau. Enchaîné. On va chercher les gens. On va dire, ici, il y avait une habitation, il n'y avait même plus. Ça arrive. Le déluge, c'est pas le déluge, ça. L'inondation. L'inondation, c'est pas une inondation, c'est pas juste. La qualité d'un homme, il dit que ceci arrive la nuit, et le monde, ça supprime. Donc, priez. Soyez prêts avec le Seigneur à tout moment. Soyez prêts. Donc, ça arrive sur votre pays, ici, en Côte d'Ivoire. Maintenant, priez, écoutez tout ça, Côte d'Ivoire. Une fois que l'Église, c'est plus une mission de l'Église, là. Priez pour que la réjouissance des uns ne crée l'instabilité encore. Priez pour que la réjouissance des œuvres, à cause d'une nouvelle de l'étranger, ne crée la dislocation encore en milieu. Parce qu'en réalité, ça arrive. Pourquoi est-ce que ça nous dit? Ah, on est content maintenant. Alex, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Ah, on est content. Et puis ici, on se prépare que tata maintenant. Vous comprenez ça? Donc, priez, ça arrive. Ça va encore plus, c'est les buts. Ok, j'ai parlé. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Je vais encore le dire maintenant, il est devant le Seigneur et quand Côte d'Ivoire, j'ai dit ce qui arrive sur le trône de la Côte d'Ivoire n'est pas la question du lieu. C'est la question du trône qui a été souillé dès le départ. Et la façon de rejeter cela, c'est la repentance, le pardon entre les acteurs. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu de lui là maintenant. Vous savez, c'est votre président. Il y a des observations. Il sait et connaît que ce n'est pas des sensés et effectifs. C'était pas déjà à prendre la main de l'air. Mais il est très proche de lui. Combattir ensemble. Mais il a un autre regard là-bas, mais avec un langage. Vous devez prier. Je le dis, il est en Côte d'Ivoire. Et je le dis devant vous. Je dis ça parce que c'est mon pays. Vous voyez l'histoire? C'est mon pays. Alors, priez pour que l'inondation ne supprime pas. Il y aura le mort. Mais priez, vous devez rester dans la prière. Parce qu'un matin, de l'eau va faire boum. rappeler les villes au pouvoir, le plus grand de tout, c'est que ça va surprendre les gens qui ne savent pas aller dans la nuit et même le secret ne pourra pas. Ça c'est pour ici à Abidjan. Là, le pays, je vois un style de feu, le feu qui va jusqu'à brûler les cultures. Ça c'est grave, ceci c'est grave. Les cultures. Et puis, il y a l'ouest de la Côte d'Ivoire qui voit que c'est là-bas la tempête a mis le secret. Qu'est-ce que les gens devaient faire, ces gens de pouvoir? Ils doivent appeler à la réconciliation. C'est la question qu'on consiste à mettre tout le monde même de l'église, c'est demander pardon les uns, les autres, et demander maintenant que les gens vont construire ce pays dans la paix. Si vous êtes d'une tribu, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous faites partie du pays. On est d'abord d'une même nation avant d'être des ennemis différents. Nous avons convenu que la constitution règne sur nous, ensemble, c'est-à-dire que c'est la même loi qui nous régit. C'est pas le langage qui change les gens. D'accord? C'est le même pays que vous êtes. Et Dieu a les relations. Alors, préparez-vous. Préparez-vous. Cette étoile est faite pour que les gens réfléchissent. Le Seigneur a signalé sa présence une fois. Signalé deux fois pour amener à la répentance. Les gens ne comprennent pas. Après, les gens se disent encore le nom de Dieu, Bagdad, pour aller blasphémer. Pour avoir de l'argent dans ces mêmes personnes sans le dire la vérité. Concernant la première, que par rapport à Abidjan, vous faites une relation. Vraiment, je suis un peu étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que je connais, qui est proche de moi, qui a eu une vision. Une vision disant que Abidjan serait éliminé. Une vision. Et il y a eu des études qui ont été faites pour les scientifiques à tenir le grand bassin qui est là, va disparaître. De toute façon, si les oracles ont été donnés chez vous, je ne donne pas les oracles des autres, je me suis tenu ici, je vous dis et vous dis ce que j'ai à dire. Sur mon pays, j'ai dit les choses depuis 2009, j'ai créé mon pays. Parce que c'est sur deux pays jumeaux qui, et même je ne sais pas si c'est pas vrai pour là-bas, à quelques exceptions peut-être. Mais là, le problème de l'enfantement là-bas, ça sera grave chez nous là-bas. Vous êtes habitués à ce qu'on peut faire. Il y a des gros vents chez moi qui ne comprennent même pas que si vous jetez trois vies, ils vont pas pouvoir gérer. Et puis la terre a tremblé ici. Ça a tremblé, ça a tremblé ici, il y a un moment. Je crois que ça fait combien d'années? Oui, c'est qu'il n'est pas normal, n'est-ce pas? Les gens ne font pas, hein? Les gens ne font pas. Donc, souvenez-vous de ce que j'ai juste de donner ces choses, c'est sans commentaire, vous devez se prendre. Je vous donne seulement la pensée du Seigneur, la direction. C'est s'il n'y a pas de questions ici déjà. Je vous donne la pensée du Seigneur. Quand ça arrivera, ne dites pas que j'avais dit ici, donc je vous donne la direction. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un endroit, ça va vous atteindre, préparez-vous pour ce développement. Dans un international, plus de l'ensemble, je parlais de l'Amérique. Ils étaient l'Amérique, que ceux qui sont en Amérique, quittez l'Amérique, ceux qui sont en Amérique, parce que quelque chose de terrible est arrivé. Vous voyez, et là, je l'ai dit, ceci va arriver, vous n'avez que deux alternatives. Sans vous y aller, vrai, pourquoi tu te présentes là pour donner l'œuvre de Jésus? Pourquoi vous quittez tout simplement? Les gens disent, ah, il y a la carrière, Le moment va arriver, je regarde les arrières, ils sont sacrés au point où personne ne peut bouger. Donc, vous ne pouvez pas bouger. Donc, maintenant, Abidjan, bébé, demandons par là, il y a beaucoup de sacrifices qui sont forts. Ceci, c'est pas arrêtable. Je vous informe seulement. D'accord, pour vous prenez les dispositions. Après la prochaine chose, lorsque Abakabi est venu annoncer la famille qui devait avoir lieu, il ne dit pas qu'il faut qu'on pique la famille n'arrive pas. Ça va arriver, on se prépare. D'accord? Quand Dieu appelle la famille sur la terre, il dit, je te donne l'information. C'est quelque chose qui doit arriver. Mais le but de la famille, c'est pour avoir la correction, c'est pour pas. Cette chose, c'est fait pour annoncer quelque chose. Que Dieu a le droit pour nous laisser avancer quelque chose. Pour montrer quelque chose. Entrer en action au milieu des hommes, dans le peuple de Satan qui voit les critiques. D'accord? Et chercher comme ça le cœur à lui. Donc il faut commencer le tout. Ce sont des esprits qu'on utilise sur la terre à l'école, le nom de Dieu qui amène ces choses. D'accord, frère? Oui. Le nom de ton témoin n'est pas plus réussi. En fin de compte. Enfin, je n'ai pas pu. Il faut passer des dons que le nom peut dire un peu aux enfants de Dieu qui veulent marier à le Seigneur. Okay. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a. Je crois que c'est quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit, frère? Bon. Donc, ça veut dire que chacun a compris ça. Je vous donne l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui étant dans le temple, passant dans le temple pour lui exiger quelque chose, et qu'il n'était même pas nécessaire qu'il le fasse. Vous voyez, et il l'a fait, et ça n'a ajouté rien, n'est-ce pas? Ah, et voilà. Oui, frère. Par rapport à la prière, puisque c'est événement, donc avec cet événement, comment on peut, on doit prier, qu'est-ce qu'il y a le contenu de la prière, qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur, de façon concrète. Merci beaucoup. Ça, c'est la question concernant la guérison. Qu'est-ce que le Seigneur veut, comment il veut qu'on fasse par rapport à ceci? La chose, c'est ceci. Qu'est-ce qui amène ceci? C'est le sang et le sang. Les films sont connus là-bas. Attendez, regardez. Je vais vous dire quelque chose, je vais suivre attentivement ceci. Vous avez vu le Gabon? Vous avez vu le Gabon? Le Gabon, tout juste à côté. Les sacrifices qui font. Les sacrifices qui sont faits sont payés. Pourquoi de ces émeutes se préparer. On prend pendant qu'on a des prières, comme on se met à genoux, le Saint-Esprit dit, prononce le silence. Vous voyez cela? On a des prières, on est à genoux. On a des prières, Père, miséricorde, préserve ces gens-là. Il dit, prononce le silence. Il dit, silence au Gabon. Silence au Gabon. Silence au Gabon. Ça a calmé la chose qui était là-bas. Tout le délire était calmé. Vous voyez? Ça a été calmé, ça n'a pas été occupé parce que les sacrifices qui là-bas. Quelque chose va arriver. Deux fois génération, et puis ça va se lever. Il faut que les chefs, ils ne savent pas comment ils font. Ils ne comprennent pas que c'est le Dieu qui est mis sur le pouvoir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent le pouvoir. Après, pas dans les sexes, ils commencent à voir le sang. Ils mettent le peuple, tout le peuple. Ici, quelle est la direction du Seigneur? La direction du Seigneur, c'est pas pour que vous avez d'autres personnes en train de dire non. Il faut qu'on parle qu'il va baptiser pour que les gens croient au Seigneur. C'est pas ça qui faut. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça n'a même pas de, ça n'a pas de manifestation sur la terre, sur le sol, ça n'a même pas ça n'a même pas ça. Il y a une façon de faire. D'accord? Dans vos prières individuelles, demandons pardon pour le crime de ce pays, pour tout ce qui s'est fait, pour ne même pas pour tout ce qui est construit sur la terre. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Souvenez-vous de l'Ancien Testament. Le pays dans lequel vous allez entrer, il prend ses valeurs, il tue ses habitants. Ne limitez pas les anciens de faire de ces nations. Le pays va, la terre va l'air fournir. Vous souvenez ça, n'est-ce pas? Ces actions-là, ça va les faire gommer. C'est degré après degré, c'est tout le pays, c'est dans tous les états. Quelqu'un va dire, ok, si c'est seulement la Côte d'Ivoire qui fait comme ça, chacun son état. Quand dans le Niger, chapitre 15, quand Abraham montre les étoiles là, il dit qu'à la 4e génération, les descendants de la prospérité vont sortir venir ici. Il dit parce que l'unité des Amoréens n'est pas encore atteint à son corps. Donc, les Amoréens péchaient. Dieu voyait le problème. Il y a un niveau qui l'attendait pour frapper. Vous voyez ça, frère? Donc, c'est niveau pas nouveau. Tous les pays sont livrés à l'idolâtrie. Mais chacun a sa punition de sanction, étape après étape. D'accord? Maintenant, si elle n'est pas pour la réunion, Dieu t'a envoyé ses serviteurs pour parler de ça. Plus grave encore, il y a même les serviteurs sataniques qui peuvent savoir ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Même les marabouts, les zéros, ils peuvent savoir ce que je veux dire là. Mais il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Ce qui se dit, c'est évident. Vous pouvez mettre le pied sur la terre, vous savez, pas une question sur cette terre. Quand je vais en France, je sais exactement ce qu'il y a comme esprit là-bas. Vous allez en Allemagne, vous savez, un autre site d'esprit. Ici, c'est un autre site d'esprit. La sorcellerie sent seulement ici. La sorcellerie, c'est dans la plus de gens qui sont avec la sorcellerie. Les gens, le fétiche, on est trop avec la tradition, le fétiche, les coutumes. Vous voyez, frère? Alors le Seigneur veut que vous priez de façon individuelle pour la représentation pour votre pays. Ne demandez pas à la part. Venez à la représentation, c'est vous comme Daniel aussi pour son peuple. Oui. Je voulais savoir après cela que le Seigneur va venir. Et commençons en parlant de l'Ouest d'abord. Donc je ne parle pas de tout cela. Toutes ces choses, je l'ai dit. Il ne sait pas dans la semaine, je ne sais pas en quelle année. J'avais dit un pigeon qui avait parlé de votre président actuel, n'est-ce pas? J'avais dit un pigeon m'a parlé. Vous avez suivi cela? Il y a un pigeon qui m'a parlé. C'est Alassane Zantara qui ira à l'hôpital en urgence. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? Oui, oui. Dans le lit, en train de dormir. Il y a un papaye à côté de la chambre, j'entends un pigeon qui va se mettre là-bas. Nous sommes à 7 heures. Vous êtes venu d'une fois à deux. Le pigeon est en train de parler, je ne comprends pas ce que le pigeon dit. Moi-même, j'étais étonné pour le jour. J'étais étonné. Ça m'étonnait. Le message qui était là-bas, ça descend à Côte d'Ivoire et qui devait faire. Et puis, j'étais étonné dans la table. Je ne dis pas que je suis allé dormir. Je ne dis pas qu'il est en train de dormir. Il dit c'est 7 heures du matin. je suis réveillé du lit, je suis allongé sur toutes mes ailes, sont ouvertes. Nous prions cette position-là. Vous entendez ces sons-ci, mais j'entends ce qu'il dit avec que Alessandro Ouattara sera amené à l'urgence à l'hôpital. Il va être amené à l'hôpital. Dis-lui de faire attention à ce que tu vois, c'est ce qu'il faut appeler de la réconciliation. Et puis je ne suis pas prêt. Vous savez, là, quand nous ne faisons pas, j'entends, moi j'ai été la Bible dans mon cœur. Vous dites, est-ce que c'est possible? Puis je vous ai un grand prier dans le ciel en priant dans la voie de l'évangile éternel au peuple de la terre, de répandre pour l'aider à préparer à l'évangile de l'évangile. Ok, alors, un changement arrivé, un jeune qui arrivé au côté de celui qui se trouve un blé, un rusé, avec le langage qui peut être proche de la Bible. Proche de la Bible, un discours. Il ne peut pas persévérer à sa destinée. Il ne peut pas persévérer à sa destinée. Il ne persévérera pas à sa destinée. Donc il tournera. Parce qu'il a le soutien politique des militaires, ça ne marchera pas. Bon, bonsoir.